Bon, savoir lire le culte, évidemment, ça suppose que l'individu a déjà une certaine prédisposition à une lecture dans l'abstraction. Si vous êtes fort en chiffres, vous êtes fort à voir des atmosphères, à sentir des ambiances, des choses du genre, ça vous crée un avantage certain parce que ça vous permet d'être intuitif. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'invisible, j'avais 14-15 ans, puis évidemment, j'étais au collège, puis on me plaçait souvent en situation de pas croire, tu sais, dans le genre, Ménard, on te croit pas. Évidemment, quand on te croit pas, puis j'étais compétitif pas mal, fallait que je fasse la preuve. Faire la preuve, il y avait une part de moi qui était très bon vendeur, fait qu'il y avait des gens qui disaient oui, c'est ça, parce que je vendais bien, mais il y en avait qui ne me croyaient pas partout, puis j'avais beau être vendeur, que c'était pas assez, fait qu'il fallait vraiment que je fasse la preuve. C'est là que j'ai eu mon gros stimuli à essayer d'apprendre à lire dans les rapports qu'il pouvait y avoir entre l'invisible puis le matériel. J'ai commencé, j'avais à peu près 16-17 ans. Au début, c'était un jeu. Vers 18, 19, 20 ans, c'est devenu une carrière. Ça m'a donné le goût d'être un gars qui touchait à ça en permanence, c'est-à-dire un occultiste. J'avais pas de prédisposition plus vers l'astrologie ou vers les tarots, les lignes de la main, la morphopsychologie, l'hypnose. J'ai tout étudié ces affaires-là, mais c'était comme l'intérêt que j'avais de voir le parallèle qu'il y avait entre l'invisible, quelque chose qui est une force invisible qui pouvait s'imprimer sur le plan matériel. Évidemment, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres qui disaient que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Ça m'intriguait beaucoup de voir les rapports qu'il y avait entre ce qui était invisible puis ce qui pouvait être matériel qui se connectait. Ça équivalait pour moi, dans le temps, à être un peu comme météorologue. Ils prédisent la température, pourquoi pas prédire l'avenir? Parce que l'avenir, c'est une conséquence d'un mouvement passé, un mouvement présent. Et puis, il y avait quand même des gens, parce que j'étudiais en administration, puis j'étais en marketing. Puis quand tu étudies en marketing, ben c'est de faire des prévisions sur l'évolution des marchés, faire des études de marché, puis anticiper évidemment la consommation dans ces marchés-là. Fait que les gens faisaient des prévisions. Fait qu'il y avait des gens qui faisaient des prévisions pour la température, il y avait d'autres qui faisaient des prévisions pour le commerce. Et puis, ben, moi, j'ai dit, bon, on va faire de la prévision pour des aspects de la psychologie ou du comportement humain. Mais les paramètres, évidemment, des gens de marketing, c'est bien concret. Fait que tu te bases sur des éléments de consommation, des éléments de masse de gens qui sont dans un endroit donné pour implanter un Walmart ou un magasin quelconque. Et puis, tu as besoin de données qui sont très concrètes. Tandis que pour prévoir des comportements humains, il faut vraiment s'intéresser ou avoir un intérêt très, très poussé vers des aspects de la psychologie qui ont des conséquences. Tu es agressif quand tu es jeune, les chances que tu tues quelqu'un dans ta vie sont plus grandes que quelqu'un qui est pacifique, théoriquement. Ça ne veut pas dire que le pacifique frappera pas quelqu'un qui traverse la rue, c'est pas ça le point. Mais il y a des éléments du comportement psychologique qui prédisposent à des actes donnés. Fait que savoir lire l'occulte, c'est aussi savoir comment les comportements ont tendance à atterrir dans l'action, dans leur construction ou dans leur destruction d'actes ou de gestes qu'ils posent. Fait que de 18 à 24, 25 ans, j'ai étudié ça beaucoup, beaucoup, beaucoup, les comportements conséquences. Je faisais de l'astrologie, puis je trouvais ça intéressant parce que c'était un terrain qui était très large, très vaste, qui permettait d'anticiper énormément de comportements de gens dans le futur avec les événements, chose que tu ne pouvais pas avoir dans la psychologie traditionnelle. Fait que l'intérêt pour l'occulte est venu là. Il est venu sur le fait qu'il y avait une science, plusieurs sciences, les lignes de la main, ces choses-là, qui pouvaient prévoir un destin. En psychologie, on est un petit peu rébarbatif à la notion de destin. Et conséquemment, ils nient pas que ça existe, mais ils font pas de recherche réelle pour le démontrer. Fait que, à partir du fait que le destin à cette époque-là était pas comme, c'était pas politically correct, c'était pas dans les standards de la logique de vie des années 70, ben j'ai cherché à travers les gens qui étaient marginaux, les gens qui avaient une ligne de pensée qui n'était pas commune. Et puis là, ben dans cette recherche-là, j'ai commencé à voir que un destin, c'est quelque chose de fatal. Destin, c'est pas tendance, c'est fatalité. Là, j'aimais pas ça, fatal. J'ai essayé de voir des astrologues qui, eux autres, disaient, les Herzig, exemple, qui disaient que l'avenir pouvait changer. Fait que là, j'aimais ça, parce que si l'avenir pouvait changer, ben on avait de la volonté, on pouvait dire, la vie, je veux qu'elle se passe comme ça. On a une tendance à faire ça, mais on n'est pas obligé de faire ça. T'sais. J'aimais ça pas être obligé. Excepté que je me suis rendu compte que les astrologues qui n'étaient pas trop candidats au fatalisme, c'était des astrologues qui étaient vagues. Mais imaginez-vous quelqu'un qui sait, dans le destin et dans la fatalité, qu'il ne peut pas mourir avant telle date. La quantité de risques qu'il peut prendre. Par rapport à quelqu'un qui, psychologiquement, pense qu'il va mourir à une date, pas une date, mais qu'il va mourir s'il fait telle chose. C'est un gros bouleversement dans la vie des gens, ça. Avec ça en main, le destin et une fatalité, j'avais comme la possibilité de voir qu'il y avait des correspondances entre un cheminement de vie, tu sais, comment tu vis ta vie, comment tu vas mourir, mais aussi quelle interaction que tu as avec les gens. Puis là, j'ai commencé à faire une étude des correspondances. J'allais travailler, je me souviens, j'avais 18 ans. Je prenais des rouges, puis quand je frappais 3-4 rouges en m'en allant travailler, là, quand je commençais à rentrer dans le circuit des lumières, là, puis quand je pognais 3-4 rouges d'affilée, je regardais quelle journée que je vivais. Puis quand je pognais 3-4 verts d'affilée, je regardais comment est-ce que ma journée se passait. Puis j'ai conclu, preuve à l'appui, j'ai conclu que c'était mieux de travailler juste quand les lumières étaient vertes en commençant la journée. Que je faisais plus d'ouvrages sur des lumières vertes que d'ouvrages sur les lumières rouges. Fait que sur 5 jours, si j'avais 4 jours de rouge, je n'allais pas travailler, puis je travaillais juste la journée du vendredi, puis je faisais toute ma job des 5 jours. Fait que tu y crois ou tu y crois pas. Hein? Puis j'ai fait toutes sortes de recherches comme ça, des correspondances, style si tu commences à manquer de tolérance, puis que tu es réellement impatient, tu risques d'avoir un flat sur ton auto, un problème de suspension, du coulage d'eau dans ta maison. C'est là qu'est venue mon histoire de décodage. Vous vous souvenez, il y a bien des années, dans les années 90, là, ma réputation, c'était quasiment autour de juste de ça, le décodage. Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, j'ai fait le rapport entre le fait que tout ce qu'on habite devient nous autres, devient une partie de nous-mêmes. Fait que le corps qu'on a, il y a une correspondance avec notre karma. L'auto qu'on a, la maison qu'on a une correspondance avec notre karma. Et ce qu'on habite, le linge qu'on a, n'importe quoi, ça traîne notre programmation karmique. Fait que moi, je remarquais qu'à chaque fois que j'avais une auto neuve ou quelque chose de nouveau, j'avais une graphine à gauche sur une porte. 4 autos, 4 graphines. Tu courais pas après, tu allais dans le centre d'achat, puis papap. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, moi, faire une affaire. Prochain char neuf, c'est moi qui vais le graffiner. Plein. Pas eu de problème. Plus de graffiner. Bon, dans vos vies, vous avez tout quelque chose qui se répète. Là, essayez pas de me dire comment qu'on change ça, j'y crois plus. On change pas ça. On subit ça, on vit ça, on l'endure jusqu'à la fin de nos jours. T'sais, vous êtes nés femmes, vous êtes des femmes jusqu'à la fin de vos jours. On est nés hommes, on est hommes jusqu'à la fin de nos jours. Bon, il y a plein d'affaires comme ça qu'on a dans la vie qui sont jusqu'à la fin de nos jours. Bon, fait que la notion de correspondance, c'est sûr que n'importe qui se met un petit peu à voir les choses qui, dans sa vie, se répètent, qui sont systématiques. T'sais, quand j'étais jeune, j'ai tombé en bicyclette à pédale. Et si tu tombes en bicyclette à gaz, tu as des chances de vivre la même chose. Tu vas tomber sur le même côté, dans la même circonstance ou dans les mêmes conditions, à cause de la même petite famille qui va te taper ses nerfs, puis papa. Et tu fais des correspondances, que ce soit petit ou gros, ça a toujours le fait d'un lien avec un élément passé, qui probablement remonte à d'autres, à des vies antérieures possibles. Mais il faut bien comprendre que ces correspondances-là sont liées à une fatalité. C'est bien important de comprendre ça. C'est quelque chose qui est régulier dans votre vie. Il n'y en a pas des milliards d'affaires régulières dans votre vie. Mais dans votre vie, il y a des choses qui se répètent et qui se répéteront probablement jusqu'à votre mort. Et puis, ça va être ce qu'on appelle votre destin, votre karma, votre programmation. Souvent, je me suis posé la question, comment qu'on pouvait vivre avec quelque chose dans la fatalité qui est là, mais, tu sais, c'est positif, là, dire comment je peux vivre avec ça, puis considérer que c'est un avantage. Puis le seul élément que j'ai pu voir en me promenant dans mon destin, puis le destin des autres, parce que j'en ai fait une carrière, astrologue, tireur de tarot, cette affaire-là, pour ça, j'ai rencontré Bernard, c'est pas nous autres qui pensent. Fait que ça veut dire que c'est eux autres qui nous enlignent pour faire quelque chose. Mais s'ils nous enlignent pour faire quelque chose, ils nous enlignent sur une programmation. Donc, c'est par programmation qu'on fait certaines choses. Fait que vous avez une programmation, vous avez donc dans la correspondance que vous pouvez faire entre votre vie de tous les jours puis la dynamique de tout le passé d'une famille ou la vie que vous, tu sais, de père en fils, de mère en fille. Vous avez des éléments comme ça qui vont vous faire voir le karma caractériel. Il y a un caractère dans le karma. Puis ce que j'ai pu voir, c'est que si tu veux changer ton karma, il faut que tu changes ton caractère. J'ai vu du monde changer leur vie, à changer leur façon de parler, à changer leur façon de s'habiller, de vivre. Puis quand tu comprends ta dynamique karmique, tu comprends aussi que tu as des milieux qui vont t'accepter quick, peu importe la langue. Tu t'en vas dans n'importe quel pays. Moi, je m'en vais dans n'importe quel pays, là, puis je rencontre des mécaniciens ou des gens qui sont dans le domaine des véhicules, là, tout ce qui est véhicule puis mécanique. Là, puis, je vais me faire chum avec eux autres, ça ne prendra pas 2 semaines, 3 semaines max. Ça va être la patate. Vous avez tout quelque chose qui vous met dans une sorte de confrérie par vibration, puis la vibration, c'est votre caractère. Moi, j'ai le caractère des mécaniciens. Je pense mécanique. Quand je pense programmation, destin, je pense mécanique. La mécanique d'une auto, c'est une programmation. Quand tu construis une auto, toute la procédure pour en arriver à un produit complet, c'est une programmation. Une Corvette, c'est programmé d'une certaine façon. Un Hummer, c'est programmé d'une autre façon. Comprenez-vous? Fait que je suis comme un mécanicien. Je regarde un être humain comme des pièces de mécanique à placer. Puis quand je suis en consultation, je regarde tout le temps ce qui ne marche pas comme un problème électrique ou un problème mécanique ou un problème. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que j'ai un thinking de mécanicien. Mais quand je rencontre des mécaniciens, il y a une chimie naturelle. C'est plus spontané que de rencontrer des avocats, mettons. Vous suivez-vous un petit peu? Mais ça dégage un caractère. Vous avez une personnalité, tu sais, comme une personne qui serait diplomate, bien, probablement que dans sa famille, il y a une façon de faire les choses qui est liée à la diplomatie. Fait que si vous êtes capable de voir dans votre caractère qu'est-ce qui se dégage vers les types de personnes caractériellement que vous êtes spontanément attiré, tu sais que c'est naturel, il y a une bonne chimie, vous venez de connaître votre destin. Votre destin est là-dedans. Là. Peut-être pas les événements, là, mais votre destin il est dans le comment est-ce que vous vouliez à ces gens-là et à cet environnement-là. C'est pas une affaire d'impression. Hein. C'est pas du monde qui vous impressionne. C'est le monde avec qui vous êtes bien. M'impressionne pas le monde des mécaniciens. Ça va m'impressionner, je sais pas, moi, des traders, mettons. Moi, rencontrer un trader que ça marche, là. Puis voir comment il fonctionne, ce kit, là, ça serait en dehors de mon monde. Mais rencontrer un gars comme après-midi là, qui arrangeait ma moto, là, c'est comme, bon, ça pour aller manger des fraises, là, c'est la même affaire. Tu sais, il n'y a pas d'impression là-dedans. Les gens qui ne vous impressionnent pas, c'est les gens avec lesquels vous avez une chimie naturelle. Bien, votre destin est lié là-dedans. Regardez comment ils vivent. Regardez comment ces gens-là vivent et meurent. De quoi qu'ils sont malades, de quoi que ce soit, parce que c'est des bonnes chances d'atterrir dans votre soupe. Votre avenir est là-dedans. Parce que votre avenir est selon une programmation, puis votre programmation. Fait que la lecture de l'occulte, j'ai commencé là-dedans à accepter la notion de destin. J'ai accepté l'idée que le destin, ça ne change pas, donc que c'était une programmation. Puis qu'éventuellement, pour m'en aller dans l'aspect humain, il a fallu que je considère que le karma, ça avait un caractère. que chaque individu avait sa programmation selon son caractère. Puis que à être capable de lire le caractère d'une personne, je pouvais lire sa programmation. Comment est-ce qu'on peut savoir l'avenir d'une personne? C'est par sa façon qu'elle échange. Tout votre avenir est dans l'échange. Savez-vous pourquoi? Parce que vous allez mourir quand vous échangerez plus. Quand votre échange ne sera plus possible, pas parce que vous ne voudrez pas échanger, mais quand ça ne sera plus possible d'échanger, vous allez mourir. Vous allez mourir quand votre échange va mourir. Donc, il y a des gens qui sont en vie, qui devraient mourir, parce qu'on veut un héritage, puis ils ne meurent pas parce qu'on a de l'échange avec eux autres. Alors, ne faites pas essayer de faire mourir personne. Là. Mais c'est le manque d'échange. Puis attention, là, un échange, ce n'est pas nécessairement positif. Hein. Haïr quelqu'un, c'est échanger avec en passant. Mm-hmm. C'est un terminal. T'sais. Parce que s'il ne meurt pas, il vous fait évoluer. Il vous fait vivre la colère, il vous fait vivre la rage, il vous fait vivre toutes sortes d'affaires. Peut-être que si vous étiez neutre, il mourrait plus vite. Ou il disparaîtrait de votre vie plus vite. Mais ce qui fait la mort, c'est la rupture de l'échange. Bien important de comprendre ça. Donc, vous avez l'avenir des gens selon la nature de leur échange. C'est comment quelqu'un échange qu'on connaît son futur. Bien du monde sont intéressés à l'occulte pour connaître le futur et penser, ça c'est le pire de tout, penser qu'ils peuvent le changer. Si un jour vous avez conscience de l'avenir, que les forces vous laissent faire pour avoir une perception de l'avenir, attendez-vous à une très mauvaise surprise, celle de voir que ce que vous allez savoir, ça va arriver. Content, pas content. Fait que souvent, vous n'avez aucune conscience de l'avenir parce que vous êtes dans le jeu, vous avez l'impression psychologique d'avoir le contrôle sur votre vie. Et c'est là que le gros problème de la conscience apparaît. C'est qu'en étant dans le jeu et dans l'impression que vous avez le contrôle sur votre vie, on ne vous donne aucune information sur votre futur. On va vous donner une certaine information sur le présent, mais aucune sur le futur. Quand vous êtes bien dégagé de l'idée que vous avez le contrôle de votre vie, ce qui est un peu mon cas, excepté pour mon déménagement cette année, quand tu lâches, là, ils te font voir ton avenir. Ils te font voir ton futur. Ils peuvent te le faire voir à journée, à semaine, au mois, puis de temps en temps à l'année. Mais c'est quand vous êtes très, très, très désimpliqué, là, puis que vous êtes réellement extrêmement désimpliqué de la volonté de changer quelque chose, qu'on va vous donner de l'information. Mais si vous êtes dans l'impression que vous avez le contrôle de votre avenir, vous ne saurez jamais rien de votre futur. OK? Tout est marqué. Tout est marqué. Puis une des phrases que j'ai dit longtemps, c'est que si vous n'êtes pas mort, il y a une raison. C'est que si vous n'êtes pas mort, tant que vous n'êtes pas mort, inquiétez-vous pas pour l'impôt, puis belle, puis la facturation de l'hydro, c'est pas un problème. Tant que vous n'êtes pas mort, il y a une raison. Puis tu te dis, ouais, mais moi, là, il faut que je débloque ci, il faut que je débloque ça. Tout va débloquer dans votre karma quand ça va être l'heure de débloquer. À la dernière seconde, souvent, à la dernière minute, si vous êtes bien boqué. Si vous êtes bien lousse, bien fluide, bien conciliant, très axé sur l'échange, mais pas d'échange avec des gens qui veulent vous bloquer, là, des échanges avec réellement des gens qui veulent vous aider. Habituellement, c'est plus fluide. Vous ne sentirez pas trop les blocages. L'échange, ça engendre automatiquement une croissance dans un mouvement, mais il faut que vous ayez le caractère pour le faire. Pas tout le monde est capable d'échanger. Il y a des gens que je connais là, dans mon entourage. Là. Eux autres, ils carburaient avec 3 ou 4 personnes max. Là. Mais ça fait des vies très compressées, des vies très angulaires, là, tu sais, dans le sens que c'est beaucoup de choc, c'est beaucoup d'inconfort. Puis c'est une sécurité qui est basée sur une impression d'avoir le contrôle de quelque chose. Mais dès que vous lâchez sur l'impression du contrôle, votre avenir se dévoile. Ça ne veut pas dire que c'est un avenir qui va avec ce que vos aspirations en termes de désir égoïque collent. Ça veut dire que vous allez voir l'avenir qui colle avec la dynamique de vie. Moi, quand Bernard, je l'ai rencontré, je dis, c'est moi son héritier. En 1980, il est mort. Je ne savais pas qu'il était... Moi, je ne pouvais pas dire si j'étais pour mourir avant lui ou lui ou avant moi. Mais je savais que j'étais son héritier. Il est mort, son héritier, pour la parole, c'est ça. Mais il y a beaucoup de monde qui ont hérité aussi. Parce qu'on a tous hérité à peu près de la même affaire, de l'instruction. Excepté que un va rester ça, va garder ça sur un plan personnel, l'autre va le prendre sur un plan public. Moi, dans mon cas, ça atterrit sur la plateforme publique. Mais en même temps que je savais ça en 80, je ne savais pas qu'une fois qu'il était hérité, ça pouvait être stuff. Parce que je ne suis pas sûr que j'aurais, en 80, voulu accepter l'héritage. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais c'était mon destin. Fait que dans mon destin, il y avait l'affaire de vouloir faire ça jusqu'au bout, d'aller au bout. Puis à cette heure que je suis rendu au bout, j'aimerais ça changer le bout. Mais c'est mon destin. Fait que j'ai pas le choix. Fait qu'ils m'ont fait voir mon destin, mais ils m'ont pas demandé la permission pour savoir si je voulais ou si je voulais pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que vous ayez une vision de votre futur ou que vous ayez une vision de l'aspect caractériel de votre karma, puis que vous savez qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça n'établit pas le fait que vous avez le contrôle. Ça, c'est bien important. Tu sais, quand on dit, c'est plus facile de voir l'avenir d'une personne en parlant avec que de le voir le nôtre, c'est qu'en général, c'est que quand on est avec les gens, on peut se faire une lecture parce qu'on est désimpliqué de leur vie. Fait qu'on on écoute parler de leurs affaires, puis souvent avec l'effet de la vibration, tu sais, il se passe quelque chose, puis dans la vibration, ben tu sens que tu dis, ouais, ça devrait se passer comme ça, là, parce que ce qu'elle vit là, c'est pas comme elle dit, là, il va se passer d'autres choses. Tu sais, moi, quand je perds un chat, là, des fois, je demande à Chantal ou à un autre, je dis, ça te dit-tu que j'ai perdu mon chat? Là? Mon chat va-tu revenir? Là, tu sais, J'ai une idée de, mais je suis voilé par l'espèce de contrôle que je veux que le chat revienne. Comprenez-vous? Là, elle va shooter une affaire, puis elle ne se trompe jamais. Là, c'est toujours ça. Mais ça ne veut pas dire que ça se passe exactement comme elle l'affirme, mais le principe est que le chat, il revient. Tu sais, bobo. Bon, vous pouvez demander à des amis, des fois, qui sont bien, bien désimpliqués de votre vie, de vous lire. D'aller dans l'aspect occulte de la vibration que vous rayonnez. Vous rayonnez une vibration, elle peut être négative, votre vibration, elle peut être positive, mais il y a quand même un rayonnement. Puis là, si vous êtes avec une personne qui est assez objective, là, qui n'est pas dans le sentiment ou l'émotion ou la complicité par rapport à votre personne, bien là, elle va avoir une lecture de votre affaire, là, puis elle va vous shooter une petite affaire, puis clouc, c'est ça. Par contre, faites attention des gens qui dirigent votre vie avec l'intuition. Il y en a que si vous lui donnez la chance de vous dire, quoi faire ou quoi penser, ils vont avoir un malin plaisir à rentrer dans un rôle d'autorité par rapport à vous. Puis ces gens-là, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Il ne faut pas que la personne pense contrôle. Il faut que la personne soit très, très fluide. Au même titre que vous autres, vous allez avoir de l'information sur votre avenir si vous êtes dégagé, libre d'angoisse, quoi que ce soit. Mais dès que j'en vois un, là, un petit paquet de nerfs excité, là, qui cherche à dire « C'est ça qui va t'arriver, tu vois ça, c'est ça. » Oups, le pic-bois, là, reste, relax. Je ne suis pas une planche de pain, moi, là, qu'il faut que tu picasses, ça, c'est-t-il. Tu ne l'as pas. Elle ne l'a jamais, cette personne-là. Elle va avoir une petite ambiance, là, ça va être relativement apprécié, mais elle veut trop que l'affaire se passe comme elle veut. Les médiums qui vous crissent des décisions à prendre entre tes deux oreilles, là, parce qu'ils veulent que ça se passe comme ça, méfiez-vous bien de ça. Ce n'est pas des gens qui sont connectés assez pour pouvoir vous lire occultement. C'est bien important pour savoir lire l'occulte, d'être désimpliqué. C'est très, très important. Que la personne qui vous parle soit désimpliquée ou que vous, quand ça vous parle, vous soyez désimpliqué. Désimpliqué, ça veut dire détaché de toute forme de volonté qu'une chose doit se passer d'une certaine façon. Il faut que vous soyez capable de vous faire dire que vous allez faire faillite, puis ça ne vous dérange pas. Il faut que vous soyez capable de vous faire dire n'importe quoi par les forces, puis ça ne vous dérange pas. Je travaille sur le stock market, il y en a qui le savent, là, okay, là, ça fait des années. Puis je lui demande, puis, est-ce que allez-vous accoucher quelque chose? Il dit, ça va ta vie, là? Il dit, tu rencontres bien du monde, le monde a du fun, vous parlez de ça, ça vous mène dynamique. Ça, pour faire du bisque à pédale ou du bisque à gaz, ou pour aller jouer au ping-pong, c'est correct. Ouais, mais, tu sais, ouais, mais c'est correct. Alors, ça va-tu marcher? Bien, ça marche, là. Tu vois, regarde toute la relation humaine que tu as avec les gens qui font là-dedans, là. Ça va bien. Les gens vivent des choses, c'est intense. Aller faire du bungee, ça ne donnera pas plus. Ça, c'est leur réponse. Ils ne disent pas non, ils ne disent pas oui. Puis, des fois, tu dis, hey, j'ai découvert ça. Ils disent, premièrement, c'est pas toi qui l'as découvert, c'est nous autres qui l'a fait penser, hein, first. Puis, tu verras, là, combien de temps ça marche. Là, ça marche, là, mais deux semaines. Puis après deux semaines, ça ne marche plus. Tu dis, hey, comment ça fait que ça ne marche plus? Ben, cherche. Ça t'occupe pendant ce temps-là, ça te garde intense. Faut que tu sois capable de te faire parler de même puis que tu ne montes pas les barreaux de chaise. Parce que, tu sais, des fois, tu dis, ça irait donc bien si ça marchait pendant un mois. Hein? Un mois de ça, là, pouf, je règle ici, je règle ça, je règle ici, je règle ça. Ouais, mais peut-être qu'on ne veut pas que tu règles ici puis tu règles ça. Peut-être que c'est bon que tu ne règles pas. Pourquoi ça serait bon? Hein? Des problèmes. Tu serais quasiment un demi-dieu si tu n'avais pas de problème. Et là, avec des problèmes, tu es humain. Yes! Le monde peut penser qu'ils sont plus que toi. Yes! Hein? C'est ça. Toi, tu es obligé de faire des gros efforts pour être pas en dessous de personne. Fait que ça, c'est les réponses des forces. Les forces, ils peuvent te mettre dans des conditions extrêmement complexes, difficiles, ambiguës, parce que ça a une fonction dans la vie des autres. Puis il faut que vous soyez capable de vous laisser vous l'expliquer et le comprendre. Et rester sur le fait de le comprendre et ne jamais penser que ça change. Si vous avez cette attitude mentale-là, là, ils vont vous donner bien de l'info. Parce qu'il reste que lire l'occulte, ça ne veut pas dire que tu es capable de faire quelque chose dans la matière. Ça veut juste dire que tu lis quelque chose. Il y a bien des nouvelles que je lis, moi, des journaux sur le Liban, sur les guerres en Irak, en Afghanistan. Je peux pas rien faire là-dedans. Même si je vais prendre des cours de gun, puis que j'ai réussi à manquer ma cible à 10 mètres avec un 357 Magnum, imagine-toi avec un bazooka, qu'est-ce que je vais manquer? Fait que je suis vraiment pas fait pour être là-dedans. Puis je lis ça pareil. Hein? J'ai beaucoup d'informations sur l'Afghanistan, l'Iran, le ci, le ça. J'ai même une opinion de comment est-ce qu'ils peuvent faire une guerre mondiale. Terrible, hein? Mais je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas empêcher le piton de sauter. Je ne peux pas empêcher Pio Pang de faire ses essais nucléaires. Fait qu'en d'autres termes, je suis totalement impuissant. Bon, bien, si vous êtes capable de voir le destin comme quoi vous lisez les journaux de votre vie, le journal de Montréal de Bibeau, hey, puis que vous n'avez pas nécessairement une capacité de changer ça, La vie commence à se dérouler. Tu commences à voir les pages se remplir d'une imprimerie que tu peux lire ou que tu peux vibrer. Là, vous allez dire, « Ouais, mais à ce moment-là, ça sert à quoi de savoir l'avenir? » Absolument rien. C'est vous autres qui êtes curieux, qui venez ici pour savoir comment ça marche le futur. Puis moi, je suis là pour vous dire que ça sert absolument rien. Vous allez être obligé de vivre votre vie pareil. Bon, à ce moment-là, on s'en va. Non, parce que vous êtes curieux. Vous voulez absolument savoir, dire, mais peut-être que Ménard, peut-être, qu'il sait l'avenir, mais il ne fait peut-être pas quelque chose que nous autres, on pourrait faire. À la bourse, il se plante, mais il n'est pas discipliné. Moi, je suis discipliné. Tu vois ça, je vais être meilleur que lui. C'est comme ça que les forces me raident. Ils me raident vulnérable, inébranlable, mais toujours vulnérable. Fait que ça donne à la lecture des gens qui me regardent, dire, ah, ben, s'il est vulnérable, c'est parce qu'il ne se protège pas. Puis là, tu dis, moi, je suis capable de me protéger, donc je suis capable, si je sais l'avenir, faire quelque chose. Mais c'est que pour savoir l'avenir, il faut justement être vulnérable, dans le sens savoir que tu ne peux pas rien faire contre, mais qu'il y a une grande volonté, une grande intensité, une grande électricité pour vivre ta vie, que de toute façon, c'est ma programmation. Quand j'arrive avec la lecture de l'occulte, j'ai un canevas. J'ai une grille pour comprendre la vie, là, tu sais. Je l'ai fait souvent dans mes cours d'astrologie. Il y en a peut-être qui sont nouveaux là, dans ma soupe, là. Mais il y a eu longtemps là, que j'expliquais comment ça marchait, la mécanique du destin. Hein. Ça se divise en 12 phases. Vous avez ce qui est fixe, ce qui est mobile, ce qui est mutable. Un carré, un cercle, un triangle. Le carré, c'est la fixité. Le cercle, c'est le mouvement. Le triangle, bien, c'est la mutabilité. Tout ce qui est triangulaire est mutable. Tu peux le mettre sur n'importe quelle de ses faces. Il y a un principe de feu, un principe de terre, d'air et d'eau. La terre et l'eau, c'est des signes négatifs. Puis les autres, c'est positif. C'est des forces de la nature, négatif, positif, qui sont indissociables. Vous avez besoin d'une charge qui absorbe, une charge qui émet. L'air, c'est les idées. Le feu, c'est l'action. Vous ne pouvez pas bûcher sur quelqu'un qui est en signe d'eau, terre-eau, dire « tu passes pas aux actes ». C'est des absorbants. Fait que tu es avec un environnement. Je vous l'ai dit, dans mon étude du destin, je cherchais des correspondances, puis j'étudiais le karma à travers les caractères. Donc, comment les gens vibrent, c'est le caractère. Et comment tu vibres, c'est comme ça que les événements se placent dans ta vie. Quand ta carte du ciel est fortement chargée en signes négatifs, tu vas être naturellement une personne qui attend que les événements se placent. Tu ne vas pas au-devant des événements. Moi, je suis très, très chargé en feu et en air. Fait que je vais au-devant des événements. Je cours après les problèmes. Je me mets tout le temps dans le bouillon. Je suis une tête chercheuse. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tandis que les signes d'eau et les signes de terre, c'est plus des gens qui ont tendance à attendre que la recette atterrisse sur leur table. Bien, c'est des passifs. Mais leur fonction, c'est de rendre concret quelque chose qui a été projeté. C'est un principe de projection et un principe d'absorption. Les signes de terre et d'eau, c'est des principes d'absorption. Les signes de feu et d'air, c'est des signes d'émission, c'est des émetteurs. Fait que c'est eux autres qui vont sparker tout le monde. Comme moi, je suis Verseau ascendant Sagittaire. J'ai des planètes en eau, heureusement. Mais d'une façon générale, je suis un individu qui va plutôt être dynamique, porté à stimuler, pousser quelqu'un à bouger. Puis j'ai même déjà fait des statistiques, j'ai 80% de ma clientèle qui est en signe négatif. Parce qu'ils viennent m'absorber. Puis eux autres, ben, en m'absorbant, ça les dynamise, puis moi, ça me coule le coco. C'est plate de même. Si je suis trop électrique, là, j'ai toujours une clientèle de gens qui vont m'absorber, tout le temps. Puis si je suis down, je vais avoir une clientèle de gens qui vont me dynamiser par beaucoup d'énergie qui ne savent pas comment placer. Ça, j'ai étudié ça longtemps dans ma vie pour me rendre compte que les gens ne se rencontrent pas par autre chose qu'un besoin. Puis c'est un besoin qui est caractériel. Ils vont avoir un prétexte économique, un prétexte financier, un prétexte matériel, à quelque niveau que ce soit. Le prétexte va servir à faire un échange. L'échange se faisant, il y a une harmonie qui se crée. Toute charge positive cherche à charge négative pour se neutraliser. L'objectif de tout le monde qui a un déséquilibre à la naissance, c'est de se neutraliser avec un autre. C'est pas dur à comprendre. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est parce que vous n'êtes pas neutralisé. Si vous avez identifié 2, 3, 4 ou 5 personnes ou 2, 3, 4, 5 environnements dans lesquels vous pouvez vous couler off, vous déchargez l'excès de charges négatives ou positives, vous avez juste à aller vers ça puis ça va vous neutraliser. Moi, je fais de la moto, je me neutralise. À 200 km/h, là, je suis totalement relax. À 40 km/h, je capote. Je suis fait pour le mouvement, je ne suis pas fait pour l'inertie. J'ai rien de la carte. J'ai tout de l'espadon. Mais c'est mon style. Mais pour un autre qui est réellement barbotte, là, calice, il peut être bien avec rien, lui. Il a un petit étang, une morde d'eau, une chaudière, resti, tout est bien. Là, calice, ça va bien. Mais c'est ça. Fait que on arrive dans la fixité, puis on regarde les modes d'action que tu peux avoir. OK? Si le feu, c'est l'action, la terre, c'est le pratique. Mettons, je sors, puis l'air, les idées, puis l'eau, les émotions. Pour ceux qui ont une certaine aversion pour le mot émotion, on pourrait marquer ambiance. OK? Bon. Si vous avez ça, ça veut dire qu'il y a trois formules d'expression à l'action. Il y a l'imposition, il y a la négociation, la confrontation, puis la contestation. L'action, c'est toujours quelque chose qui est projeté. Fait que si dans votre caractère, vous avez une nature qui se projette, fait que ça, ces modèles de comportement-là pour l'action, quand vous avez des aspects de votre vie, mais tu sais, c'est pas nécessaire de connaître la carte du ciel des gens, là. Vous regardez juste une personne, si c'est une personne qui s'impose, si c'est une personne qui confronte, ou si c'est une personne qui conteste beaucoup, vous savez que c'est un mode actif. Parce qu'il spark son environnement, il allume son environnement avec cette nature-là. Ça, à partir du fait que tu sais ça, tu sais automatiquement quel genre d'événement que tu vas vivre avec ces gens-là. Comprenez-vous? L'événement colle au caractère. Le caractère et le karma, c'est intimement lié. Tu dis à une personne, si tu étais plus douce, tu te marierais. Ouais, mais je suis pas de même. Bon, ben à ce moment-là, parle-moi plus de couple. Dans tous les cas, ben, je suis toujours capable de récupérer. Parce que je sais que c'est un destin. Je travaille avec du destin, avec quelque chose qui ne changera pas. Je fais juste. J'arrive dans la pièce de la personne, puis je tourne sa roche de bord. Je fais juste tourner sa crise de roche de bord. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est là. Je veux changer, Daniel, je te jure, là. Dis-moi quoi faire. Bouge pas, moi, d'organiser ça. Tourne la roche de bord. Tiens, tu vois-tu, t'as une nouvelle façon de voir l'avenir. Tu sais que ça me fait du bien, ça me soulage. J'étais tanné de ce bout de mur-là. Il y avait ce bout de mur-là. Elle dit, c'est pas pareil, il y a un coin, là, ouais, mais c'est la même petite couleur, tu as remarqué? On change la roche de place. C'est ça, le destin. Ça a été la grande découverte de ma vie. À savoir que tu peux pas changer personne. Tu peux juste vivre avec le karma, le caractère qui collait à ça, puis juste de dire, gars, si tu fais ça, il va se passer ça. Si tu fais ça, il va se passer ça. Si tu fais ça, il va se passer ça. Comme quand je disais à elle, là, oublie ça, la bourse, là, c'était pas plus de colère que ça, là, tu ne ferais jamais d'argent. Tu sais, c'est marqué. Pour faire telle chose, il faut peser sur tel piton. Pop, pop, pop, pop, pop. C'est comme un gars qui dit qu'il aime une femme ou une femme qui dit qu'il aime un homme. C'est un clavier. Ça, faut tu sais, tu as des claviers, tu as des touches au clavier. Puis faut toujours que la commande arrive de telle façon pour que le gars réponde de telle façon. t'es pas capable de le faire. Puis t'es pas capable pendant 5 ans de le faire. Ça veut dire que tu seras jamais capable de le faire, mais je vais toujours te donner la recette. Faut que tu payes tel, ta, ta, ta, ta, ta. Ouais, mais je suis pas capable. Les doigts me barrent quand j'arrive sur le E, accent aigu. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses. Au moins, tu le sais. Tu sais? Puis là, la personne, elle le fait un petit peu. Elle s'est accrochée avec le coude sur le E, accent aigu. Puis elle dit, je l'ai eu! Ouais, mais c'était un accident, là. C'est pas pareil. T'as pas le contrôle, là. Signe de terre. Hey, ça fait tellement longtemps. Puis, en tout cas, le... ouais, chez Taureau, c'était la pression. Mais Taureau, ça fait de la pression. Puis le Vierge, c'est la négociation. Négociation. Puis le Capricorne, c'est la revendication. Négociation. Que tu te retrouves, les gens pratiques, c'est des gens qui font une pression pour que les choses se matérialisent, t'sais. Ils vont te faire attendre, asti. Attendre. Moi, j'ai bien de la misère avec les signes de terre parce que c'est des signes, il faut qu'ils touchent. Ouais, c'est ça. Tu dis, il y a une table. Ouais, il y a une table. Tu veux acheter la table? Ben là, tu me dis qu'il y a une table. Ben oui, mais tu n'avouais pas la table? Ouais, je vois la table, mais tu veux vraiment une table? Ben, calice, là, je ne ris pas. Là. Viens t'en. Assieds-toi, là. Vas-y, viens t'asseoir. Ouais, il dit, mais on ne s'assied pas sur une table. Pas une table, ça? C'est une chaise? Non, c'est une table. Tu peux manger dessus. Tabarnak. Si tu ne vois pas, c'est une table, calice. Eh non, il faut qu'il touche, qu'il regarde en dessous. C'est long. La pression, ça fait de la pression. La pression monte. Tu sais, pensez ça. Mon taureau, ma Madeleine, tu sais. Madeleine, si tu veux faire de l'argent, faut que tu étudies. Chris, t'attends à quoi? Là? Ben, que tu me dises quoi faire et que je le fasse. Ça prend quoi, 10 minutes, ça? Oui, ça prend 10 minutes. T'as montré comment cliquer sur la souris pour que tu fasses ça. Bon, ben, c'est assez. Dis-moi, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est si l'argent sort du compte ou rentre dans le compte. C'est tout. Hein? C'est basique, en esti, ça là. Moi, je suis là, le clown, ce verso, il fait des études monumentales sur les conséquences de tels mouvements des masses monétaires de la Suisse vers l'Angleterre et ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je parle dans le vide du monde demain. Ce qu'ils veulent savoir, les autres, c'est cliquer. On clique où, là? Une fois que tu as dit ça, là, que tu dis que c'était monté quand la Suisse fait ci, on clique où, là? Ils ne veulent pas savoir l'histoire de la Suisse, ils veulent savoir où cliquer. Aïe, violent. Là, je reviens chez nous, je suis la déprime totale, là, mon homme. Faut que j'aille me coucher ou chasse une ride en bicycle, là, parce que, hey, ça hurle. C'est des éléments absorbants. Ils absorbent ton information, ils absorbent ton action pour la rendre concrète. Réduire ça à la plus simple expression, un clic de souris sur la devise. British Pound contre US. Clic, on vend. Et ça donne tel chiffre. Et 10 minutes plus tard, ça donne 50$. Voilà, on reclique pour fermer. C'est tout. Merci, Daniel. Tes 40 ans de recherche, on s'en colisse. Clic, clic. Ça, c'est un signe de terre. Pratique, concret. J'ai beaucoup appris avec ces signes-là. J'ai appris à ne pas m'en faire dans la vie. J'ai appris à dire, bon, ben, écoute, s'il ne comprend pas, c'est pas grave. Toi, vie. Il n'y a pas besoin de comprendre. C'est vibratoire, ça a l'air. Mais même pas. C'est même pas vibratoire, c'est le vibrateur. That's it. Fait que tu as ces trois formes de comportement pratique que tu as dans la vie, qui est la pression, la négociation, parce qu'il y a deux systèmes de valeurs qui se confrontent, puis la revendication qui est vouloir aller jusqu'au bout. Là. Puis quand tu vas jusqu'au bout, le Capricorne, c'est un usurier, là, il use. Hey, moi, j'ai vu un Capricorne, tellement Capricorne, là, que quand ses semelles de running shoe étaient finies, il se découpait une semelle dans un tire Michelin, là, puis il se la collait en dessous, puis il refaisait encore un 30 000 kilos. ça marche. Non, je niaise pas. Ça, c'était le père à ma belle-sœur. J'ai dit, tu vois que t'as le même père de galas? Elle dit, oui, mais elle dit, il refait la semaine au Michelin. Et je dis, je vais avoir des preuves de ça. Elle me montre ses galas, toutes bien collées, là, toutes bien découpées, avec les petits bouts de métal qui dépassent, parce que c'est des tailleurs radiales. Hein. Usées, tu sais, des tailleurs usées, là, c'est pas grave. Je faisais quelques traites dedans. Capica. Elle peut bien être millionnaire, tu sais, à vivre dans une campus. Incroyable. Pratique. Les versos, c'est les idées. Les signes d'air, c'est les idées. C'est des gens de... C'est la bourse marche. Ou c'est comme ça qu'il faut faire ça. J'ai un nouveau système. Tu sais, les idées, concepts. Fait que vous avez ici la... Comment il appelle ça? Ça fait tellement longtemps. Le Gémeaux, c'est la coordination. Il prend des idées, puis... Il est jaune, il fait jongler. Un Gémeaux, là, ça prend bien des idées, là, puis ça t'engaroche. Là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, t'es en bouffine. Ah, ça, là, je veux. Puis là, il s'arrête. Il te regarde manger. Puis quand t'as fini de manger, il dit, tu fais encore? Puis là, c'est encore fin, il te repart avec des idées. Fait que c'est un le Gémeaux, c'est un coordinateur. C'est une sorte de police des idées. Tu présentes quelque chose, tu inventes de quoi, comme le verso, lui, c'est... C'est la persuasion. Je m'en souviens. Persuasion. Il passe un concept, là, une théorie, un corollaire, n'importe quoi. Il part là-dessus, là, puis comme un train. Là. Puis là, il essaie de voir où est-ce qu'il pourrait inventer quelque chose. Puis là, de manière, il persuade. Il va voir les Gémeaux, puis les Gémeaux, il arrange ça pour que ça se communique avec son environnement. Puis la balance, elle, c'est... C'est l'input d'information. Elle va chercher de l'information. Elle accumule l'information. Fait que ce triangle-là, c'est comme il y en a un qui absorbe beaucoup d'informations, qui va chercher beaucoup d'informations, l'autre qui travaille avec pour en faire quelque chose de cohérent, puis l'autre qui le projette dans son environnement pour essayer d'installer une crédibilité par la coordination. Ça rend crédible les idées qui sont émises. Par contre, le Gémeaux, c'est pas lui qui invente, c'est lui qui coordonne. L'inventeur des idées, c'est le verso. Celui qui stimule la recherche, c'est la balance. Quand on arrive dans un signe d'eau, on a c'est les émotions, les ambiances. Le poisson, c'est les intrigues. Pas compliqué, un poisson, si tu veux apprendre à lire la vibration dans la vie, tu as juste à côtoyer un poisson. C'est le test suprême pour n'importe quel ego. C'est le roi de la non-définie. Tu sais jamais rien. C'est flou, esti. Là, quand c'est pour prendre une décision, c'est par réaction. Faut qu'attendre une crise. Puis là, dans la crise, pop, ça allume. C'est des signes négatifs. Ils attendent, esti. Ils attendent. Fait que j'ai compris le principe du poisson, c'est le boiler. Il y avait un gars qui travaillait là-dedans, un boiler. Je dis, comment tu fais monter la steam dans un boiler? Tu sais, les patentes, les gros tuyaux. Hey, c'est pas compliqué. Quand le boiler, il est full, puis que les tuyaux sont en train de craquer, là, c'est là qu'il passe à l'action, notre cher poisson. Fait que c'est des signes d'ambiance, des signes d'émotion. Donc, pour que ça se mette en mouvement, ils ont besoin de charge émotionnelle. Ils ont besoin de charge à crise. Crise, détente, tout le temps. Le scorpion, lui, c'est le drame. Fait que c'est la manipulation. Tu veux rendre un scorpion heureux, mais là, dans une configuration de drame. De toute façon, la vie d'un scorpion, c'est du drame. Puis, il est parfaitement à l'aise là-dedans. Friday 13. Ils veulent pas aller voir le film, mais quand ils vont voir le film, ça m'a donc marqué. Non, fais-moi pas ça! Tu le fais, ah, oh, c'est bon. Ils sont drôles. J'ai eu des chums scorpions, hein, sacrément. Au début, je dis, oh, attention, il faut respecter sa sensibilité. Puis à un moment donné, j'ai compris, fesse. Ah oui. Besoin que ça travaille. Il aime ça quand tu se dépasses. Tu dis, hein, tu vas mourir, hein. Ouais, c'est toi, c'est à cause de. Ah, oh, c'est dur. Ah, oh, c'est toi. C'est toi qui me fais faire ça. Ah, oh, c'est dur. Puis là, tu vois, t'es pas mort. Ouais, c'est à cause de toi aussi, là. C'est bon. C'est des manipulations constantes d'état, puis de climat, puis d'ambiance. Et quand tu comprends cette affaire-là, puis que tu es avec un scorpion pure race, là, tu sais, tu vas te faire piquer, mon homme, tu sais. Pic. Puis là, s'il voit que tu es un bon challenger, là, il va te mettre dans des situations réellement à risque, à drame, puis là, qu'il faut que tu sois capable de suivre. Mais il aime ça, tu le bordes d'eux. Cancer, c'est la sécurité. C'est la subversion. Fait qu'un subversif, ça sous-tend une réaction toujours de « si je suis pas en sécurité, je te picosse ». Fait que quand tu es dans un élément de protection, là, c'est le signe par excellence pour te faire voir toutes les bibittes. Un cancer dans ta vie, là, ou du cancer dans ta carte du ciel, c'est l'élément qui va névroser, là, qui va dire « ah, si je suis pas capable », puis qui va se faire un drame, là, qui va imaginer le pire, là, c'est le cancer. Tous les objets de sécurité qui existent sur la planète, là, c'est sous le signe du cancer. On se promène en moto, nous autres, puis un casque, des choses, là, pas tant. Mais quand tu fais chaud, là, un casque puis un coat, là, ouh! Mais ça, c'est le cancer. On dit, oui, mais si! Tu as tous les caractères au complet. Feu, terre, air, eau. Tu apprends à lire les caractères, tu apprends à lire l'avenir. L'avenir est toujours une conséquence d'un comportement psychologique. Vous allez toujours savoir les événements de votre vie selon la nature même de votre caractère. Votre futur est bâti de vous-même. C'est jamais la faute aux autres. Les autres sont là pour être en échange. Les gens qui sont en échange avec vous sont simplement des témoins et des gens qui vous donnent la réplique dans une ligne d'action. Personne n'est responsable de votre mal. Personne. Tout le monde qui se mêle dans votre vie ou sont mêlés karmiquement à votre vie sont là pour vous faire dépasser des aspects caractériels qui sont limitatifs dans votre programmation. Est-ce que tu comprends-tu ça? C'est dur à voir. Mais c'est nécessaire de comprendre que le destin, c'est bâti d'éléments positifs et d'éléments négatifs. Que les éléments négatifs sont là pour développer votre volonté et que les éléments positifs sont là pour développer votre intelligence. Vous avez une zone positive, vous avez une zone de développement de votre intelligence. Vous avez une zone négative, c'est pour développer votre contenance. C'est très dur, ça veut dire que votre projet est très gros. Vous voulez que ça soit moins dur? Diminuer votre volonté de réussite dans un projet plus petit, ça va être plus facile. Pas compliqué, hein? Vous êtes bien, bien boqué. Pense que ton boquage peut te rendre malade. Parce que boqué, ça veut dire que tu te charges négativement très fortement pour absolument arriver à telle affaire que ton ego veut absolument dans un temps donné. Ça peut te rendre malade, ça peut te tuer, ça peut te couper de l'échange. Puis ça, si ça te coupe de l'échange, tu es dans la merde, pas à peu près. Puis tu n'auras pas la charge positive pour pouvoir te passer à travers. Il faut beaucoup de charge positive pour défoncer une charge négative. Puis quand on s'impose une charge très fortement négative, ça demande beaucoup, beaucoup de contenance. Puis comment vous savez que vous avez de la contenance dans une charge négative? Vous n'êtes jamais décourageable. Vous avez toujours des solutions et vous êtes toujours capable de trouver l'échange qui va être capable de vous mettre en dynamique ou en dynamisme avec ce que vous avez à faire. Je fais de la bourse, ça ne marche pas. Pourquoi tu penses que ça ne marche pas? Parce que je ne suis pas assez intelligent? Non. C'est parce que je n'ai pas la contenance de la conséquence. Si j'avais la contenance de la conséquence, ça marcherait tout de suite. C'est simple, hein? Là, tu vas dire, comment tu vas développer la contenance de la conséquence? Il faut que je développe une électricité, une force de caractère, une volonté. Puis peut-être que je n'aurai pas assez de ma vie. Je suis peut-être trop vieux pour pouvoir développer ça. Ça se peut. Mais je sais qu'il faut que je fasse face à une très grosse charge négative. N'importe quel projet que vous avez en tête, n'importe quel. Vous allez être confronté à du négatif, du positif. Vous allez avoir des bonnes idées. Des fois, vous avez les ressources, puis vous n'avez pas d'idées. Ça veut dire que vous avez une capacité de faire bouger du négatif, mais vous n'avez pas d'idées. Il vous faut quelqu'un ou un environnement qui a des idées pour vous injecter du positif, pour faire marcher la machine. Tout seul, vous n'êtes pas capable parce que vous avez plus travaillé à vous développer de la contenance, que vous avez développé une grosse contenance, mais il n'y a pas de force dynamique pour mettre en mouvement cette contenance-là. Fait que vous êtes statique. Vous êtes défensif à l'excès. Puis il n'y a rien qui se passe.